c'est la déchéance, tout s'acharne contre nous. Écoutez, je vous en prie. Mon Dieu, sauvez ma famille. Dieu m'a entendu et a secoué le ciel. Et sous une pluie de feu, j'ai couru vers le soleil. Échappé à tout cela. Mais ne vous retournez pas. Geste rebelle. Mais ma mère s'est retournée et fut figée par le sel. Sous la ville ensevelie, mon cœur ne bat plus depuis. Avec la destruction de Sodome et Gomorre, Dieu nous fait comprendre le respect des uns pour les autres. Sans le respect, aucun peuple ne peut survivre. Le respect, voici un nouvel indice, un élément indispensable de la clé de la vie. J'espère que mon aide vous sera précieuse. Tu es sans doute la seule à pouvoir enfin trouver cette clé de la vie. Lorsque tu l'auras trouvée, vous comprendrez tout. Et nous tous qui sommes coincés entre les pages de ce livre trouverons enfin le chemin éternel. Elle m'a l'air louche, celle-ci. Un chemin éternel, c'est donc un chemin qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'on ne va jamais arrêter de marcher. Moi, je marche pas dans cette combine, j'ai des pattes fragiles, moi, mamzelle. Je vais pas me laisser marcher comme ça sur les pattes par une bande de bitniques avec les cheveux longs et des robes découpées dans les rideaux. T'as entendu ce qu'il fait, Dieu, quand on est pas sage? Il punit. Tu veux te retrouver au grenier avec mon vieux déguisement de fée clochette? Ah, quelle horreur! Mon Dieu! Non, enfin, je veux dire, Monseigneur. Enfin, sa sainte majesté du ciel. Monsieur le Père Noël Tout-Puissant. Ou qui vous voulez, d'ailleurs. Je crois que je deviens fou avec ce livre. Si tout ça continue, moi je vais... Oh là là, Philippe, tais-toi un peu. T'arrêtes pas de parler, t'es saoulant à force. J'ai peur rien, Dolly. J'ai peur. Et quand j'ai peur, faut que je parle. Tu flippes? Ah, très drôle. Et tu crois que tes paroles peuvent éloigner le danger? Oui, enfin, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des pitoches. Mais faut pas, Flip, y a aucune raison. Facile à dire, hein. Avec toutes ces catastrophes, ces déluges, ces statues de sel, moi j'ai des chocottes et je sens que ça ne va pas s'arranger. J'ai comme une intuition. Une intuition? Oui, une intuition féminine. Tu sais, celle qui fait sentir à une mère que son fils est en danger. Et là? Là, je sens mon fils, ses 12 frères et ses 24 sœurs en péril. Mais Flip, t'es pas une femme, toi. Ben non, je suis une peluche, je suis une vraie, 80% acrylique, 20% polyester. Ouais, alors c'est normal que ton intuition féminine te fasse sentir tout de travers. T'es pas une femme, t'as pas d'enfant. Non, t'as plus, j'en aurai jamais. C'est aussi ce que je croyais. Mais c'est qui celui-là encore? Je sais pas, Flip. J'ai droit au 50-50, à l'appel à un ami. Hey, on dirait le père Fouras. Hey, dis Dolly, tu crois que la clé de la vie, elle ouvre la salle du trésor de Fort Boyard? Vous êtes qui, monsieur? Je suis le prophète Abraham, un des trois fils de Noé. J'ai entendu Flip dire qu'il n'aurait jamais d'enfant. C'est ce que je croyais, moi aussi, après avoir épousé Sarah. Elle aussi le croyait. C'est pour ça qu'elle m'a permis d'avoir un fils, Ismaël, avec Agar, notre servante. Mais à l'âge de 99 ans, j'ai conclu une alliance avec Dieu qui nous a donné en échange un cadeau à Sarah et à moi. C'était quoi? Un coffret d'huiles essentielles? Une cure minceur? Un accommoulage? Non, un fils que l'on a nommé Isaac. Isaac, sourire de Dieu. Et Agar? Et Ismaël, votre autre fils? Agar et Ismaël sont partis en plein désert. Là, un ange leur est apparu et a promis à Agar de faire de son fils le père d'une grande nation. Et Isaac? Dieu m'a mis à l'épreuve et m'a demandé de le sacrifier. Vous vous rendez compte? Sacrifier son propre fils. Mais au moment où j'allais le faire, un ange m'en a empêché. En fait, Dieu voulait tester ma loyauté envers lui. Oh la vache! Enfin, je veux dire... En obéissant à son ordre, Dieu a vérifié ma croyance, ma confiance totale en lui. La confiance, c'est important. Donner et recevoir la confiance des uns et des autres. Et toi, Dolly, si tu comprends ça à ton tour, elle te mènera certainement sur le chemin qui te conduira jusqu'à la clé de la vie. La clé de ta vie. Pour ma part, la mienne s'achève ici. J'ai fait 1000 choses. J'étais déjà là pour sauver du déluge une partie des habitants de Sodome et Gomorre. Je crois avoir aidé les hommes avec honnêteté et bienveillance. J'ai 175 ans. Je suis fatigué. Mais j'ai eu une belle existence. Une très belle existence.